entre sommeil et réveil, en cavale comme dans un rêve, tout ralentit ma vitesse. C'est différent mais pareil, tout s'éteint mais je reste en veille, je suis lucide dans mon ivresse. Et quand la noche vient à bouger un peu trop vite, je me mets à danser sur des pensées un peu trop vite. Je suis bloqué devant des portes sans verrou évidemment. Comme au casino, je perds la notion du temps. 1h du mat devant un mur blanc, 2h du mat devant le même mur blanc. C'est chelou, tout est chelou. 3h du mat, c'est embêtant. 4h du mat, rien d'inquiétant. C'est chelou, tout est chelou. La nuit quand on se tasse, devant un mur blanc, 2h du mat, devant le même mur blanc. C'est chelou, tout est chelou. 3h du mat, c'est embêtant. 4h du mat, rien d'inquiétant. C'est chelou, tout est chelou. Un canopadaire pour éclairer ma vie, il est loin de ma rue. J'ai plongé dans le noir, et ça je peux le voir. Moi je suis comme un disque qui ne fait que tourner à l'heure du stream. Même parole en boucle, de quoi devenir fou. 5h du mat posé sur le banc, 6h du mat posé sur le même banc. C'est chelou, tout est chelou. 7h du mat, j'ai envie de rien. 8h du mat, c'est déjà demain. C'est chelou, tout est chelou. La nuit quand on se tasse, posé sur le banc, 6h du mat, posé sur le même banc. C'est chelou, tout est chelou. 7h du mat, j'ai envie de rien. 8h du mat, c'est déjà demain. C'est chelou,